بسم الله الرحمن الرحيم. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن تقدم هذه الترجمة لمعاني سورة الفاتحة وجزء عما إلى اللغة الفرنسية بصوت الشيخ فابرايس نوليريكس. والوزارة ترجو من الله تعالى أن ينفع الناطقين بها. نسأل الله المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله العزيز، والله ولي التوفيق. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le ministère des Affaires islamiques, des Waqf, de l'appel et de l'orientation, représenté par le complexe du roi Fahd pour l'impression du noble Coran, se réjouit de présenter cette traduction des sens de la sourate Al-Fatiha et de la partie de Amma, lue par Fabrice Tonnerieux. Et le ministère espère que Allah le Très-Haut en fasse profiter ceux qui comprennent cette langue. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il récompense le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd ibn Abdelaziz Al-Saoud, pour ses grands efforts dans la propagation du livre d'Allah. Et Allah est le possesseur de la réussite. Sourate du prologue. Mekwaze, 7 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malik Yawm Ad-Din. Maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Sourate la Nouvelle. Mekwaze, 40 versets. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. عما يتساءلون. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. كلا سيعلمون. Eh bien non, ils sauront bientôt. ثم كلا سيعلمون. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. ألم نجعل الأرض مهادا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? Et placé des montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé en couple. Et désigné votre sommeil pour votre repos. Et fait de la nuit un vêtement. وجعلنا النهار معاشا. Et assigné le jour pour les affaires de la vie. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Et construit au-dessus de vous sept cieux renforcés. وجعلنا سراجا وهاجا. Et avons placé une lampe très ardente. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Et fait descendre des nuées une eau abondante.

Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé وحصل ما في الصدور Et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines إن ربهم بهم يومئذ لخبير Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Sourate le Fracas, Mekwaz, 11 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Qari'ah. Le Fracas. Mal-Qari'ah. Qu'est-ce que le Fracas ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ Et qui te dira ce qu'est le fracas ? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Et les montagnes comme de la laine cardée. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Quant à celui dont la balance sera lourde, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Il sera dans une vie agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Et quant à celui dont la balance sera légère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ Sa mère est un abîme très profond. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Et qui te dira ce que c'est ? نَارٌ حَامِيَهْ C'est un feu ardent. Sourate, la course aux richesses. Mekwaz, 8 versets. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ La course aux richesses vous distrait. حتى زرتم المقابر jusqu'à ce que vous visitiez les tombes كلا سوف تعلمون mais non vous saurez bientôt ثم كلا سوف تعلمون encore une fois vous saurez bientôt كلا لو تعلمون علم اليقين sûrement si vous saviez de science certaine لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ Vous verrez, certes, la fournaise. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Puis, vous la verrez, certes, avec l'œil de la certitude. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Puis, assurément, vous serez interrogé, ce jour-là, sur les délices. Sourate, le temps. Mekwaz, 3 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wal-asr. Par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate les calomniateurs, Mekwaz, 9 versets. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Qui amasse une fortune et la compte. Il pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama. Et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux en colonne de flammes étendue. Sourate l'éléphant, Mekwaz, 5 versets. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et envoyé sur eux des oiseaux par voler? Qui leur lançait des pierres d'argile? Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Sourate les Quraysh, Mekwaz, 4 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Quraysh. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. De leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Sourate, l'ustensile, Mekwaz, 7 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Tout en négligeant leur salat. الذين هم يراءون. Qui sont pleins d'ostentation. ويمنعون الماعون. Et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Sourate l'abondance, Mekwaz. 3 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Sourate les infidèles, Mekwaz, 6 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ Dis, ô vous les infidèles, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ À vous votre religion et à moi ma religion. Sourate Le Secours, Médinoise, 3 versets. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Idha jaa nasrullah wal fath. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate Les Fibres, Mekwaze, 5 versets. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ De même sa femme, la porteuse de bois. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ À son cou, une corde de fibre. Sourate Le Monothéisme Pur, Mekwaze, 4 versets. بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. قل هو الله أحد Dis, il est Allah, unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Et nul n'est égal à lui. Sourate L'Aube Naissante, Mekwaze, 5 versets. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'Aube Naissante. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ Contre le mal des êtres qu'il a créés. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Et contre le mal de l'envieux, quand il en vit. Sourate, Les Hommes, Mekwaze, 6 versets. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des Hommes. Malikin Nas Le souverain des hommes Ilahin Nas Dieu des hommes Min شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Contre le mal du mauvais conseiller, furtif. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Qu'il soit un djinn ou un être humain.